Si, une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si l'assassinat pouvait entraver les conséquences et par son accomplissement assurer le succès, si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas, rien qu'ici-bas, sur le sable mouvant de ce monde, je me jetterais, tête baissée, dans la vie à venir. Mais ces actes-là trouvent toujours ici-bas leur sentence. Les leçons sanglantes que nous enseignons reviennent, une fois apprises, châtier le précepteur. La justice, à la main impartiale, présente le calice empoisonné par nous, à nos propres lèvres. Il est ici, sous une double sauvegarde. D'abord, je suis son parent et son sujet. Deux raisons puissantes contre l'action. Ensuite, je suis son hôte. À ce titre, je devrais fermer la porte au meurtrier, et non porter moi-même le couteau. Et puis, ce Duncan a usé si doucement de son pouvoir. Il a été si pur sans ses autres fonctions que ses vertus emboucheraient la trompette des anges pour dénoncer le crime damné qu'il aurait fait disparaître. Et la pitié, pareille à un nouveau-né tout nu, chevauchant sur l'ouragan, ou à un chérubin céleste qui monte les coursiers invisibles de l'air, soufflerait l'horrible action dans les yeux de tous, jusqu'à noyer le vent dans un déluge de larmes. Je n'ai, pour presser le flanc de ma volonté, que l'éperon d'une ambition qui prend trop d'élan, et cela est désarçonné. Entre Lady Macbeth. Eh bien, quoi de nouveau? Il a presque soupé. Pourquoi avez-vous quitté la salle? M'a-t-il demandé. Ne le savez-vous pas? Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire. Ils viennent m'honorer, et j'ai acheté de toutes les classes du peuple une réputation dorée, qu'il convient de porter maintenant, dans l'éclat de sa fraîcheur, et non de jeter si tôt de côté. Est-elle donc ivre, l'espérance, dans laquelle vous vous drapiez? S'est-elle endormie depuis, et ne fait-elle que se réveiller pour verdir et pâlir ainsi devant ce qu'elle contemplait si volontiers? Désormais, je ferai le même cas de ton amour. As-tu peur d'être, dans tes actes et dans ta résolution, le même que dans ton désir? Voudrais-tu avoir ce que tu estimes être l'ornement de la vie, et vivre quoi, dans ta propre estime, laissant un « je n'ose pas » suivre un « je voudrais », comme le pauvre chat de l'adage? Paix, madame, je vous prie, j'ose tout ce qui sied à un homme, qui ose de là, n'en est plus un. Quelle est donc la bête qui vous a poussé à me révéler cette affaire? Quand vous l'avez osé, vous étiez un homme. Maintenant, soyez plus que vous n'étiez, vous n'en serez que plus homme. Ni l'occasion, ni le lieu ne s'offraient alors, et vous vouliez pourtant les créer tous deux. Ils se sont créés d'eux-mêmes, et voilà que leur concours vous anéantit. J'ai allaité, et je sais combien j'aime tendrement le petit qui me tête. Eh bien, au moment où il souriait à ma face, j'aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os et lui aurais fait jaillir la cervelle, si je l'avais juré, comme vous avez juré ceci. Si nous allions échouer, nous, échouer, chevillez seulement votre courage au point résistant, et nous n'échouerons pas. Lorsque Duncan sera endormi, et le rude voyage d'aujourd'hui va l'inviter bien vite à un somme profond, j'aurai raison de ces deux chambellans avec du vin et de la bière, à ce point que la mémoire, gardienne de leur cervelle, ne sera que fumée, et le récipient de leur raison qu'un alambic. Quand le sommeil du porc tiendra gisant comme une mort, leur être submergé, que ne pourrons-nous, vous et moi, exécuter Duncan sans défense? Que ne pourrons-nous imputer à ses officiers, placés là comme des éponges, pour absorber le crime de ce grand meurtre? Ne mets au monde que des enfants mâles, car ta nature intrépide ne doit former que des hommes. Ne sera-t-il pas admis par tous, quand nous aurons marqué de sang ces deux chambellans endormis et employé leurs propres poignards, que ce sont eux qui ont fait la chose? Qui osera admettre le contraire, quand nous ferons rugir notre douleur et nos lamentations sur sa mort? Me voilà résolu. Je vais tendre tous les ressorts de mon être vers cet acte terrible. Allons, et jouons notre monde par la plus sereine apparence. Un visage faux doit cacher ce que c'est un cœur faux. »